Ok. Je suis arrivé dans le game, je t'en pétais façon sa dame. Que me regarde bizarre, je vais t'insulter lui et sa dame. Coup sur la table, j'ai besoin de dégâts, je me suis fait seul dans la dèche. Je suis un requin dans la zone, ces fils de pute attendent qu'on me pêche. De Marseille à Paris, de la pointe jusqu'au sablon. Je vais pas faire le savant, c'est pas facile, nous le savons. Tout le monde connaît la loi, faut pas ramasser le savon. Si tu cherches lui et sa bande, arme-toi, ça sent pas bon. Tu bon à quoi, toi, qu'à tirer en l'air? Les dents font les voyous, je crois que c'est le monde à l'envers. Dites bonne aux mauvais garçons, laissez passer légendaire. Je supporte pas trop le shit, je fume que de la méchante herbe. Je perds de l'argent, je ne fais plus trop de showcase. Mais cet été, je reprends, je vais tous les choquer. Ok, tu beau, tu me fais trop le beau pay. Tu vas regarder ce freestyle, je sais que tu vas bloquer. Si tu laisses traîner ta langue, ça va te la couper au ciseau. Je me fais la passe moi-même, et en plus de ça, je marque en ciseau. Du tout, c'est la fusée, abusé. L'équipe, veuillez m'excuser, je vais pas sur Sky pour m'amuser. Je suis fier de moi, et ouais, tu sais, j'ai pas sucé. Pour avoir tout ce succès, les portes, je les ai sucées. Pendant que les jeunes passent à braquer en Suisse, que de la trahison, ton nom pucette. Toi, tu es serein, toi, tu veux pas faire de poussette. Ton pote, tu payes ses dettes, tu es patron au quartier. Et quand tu sortis, toi, les pieds en piadio suivent ton cucette. Tu as fait confiance à une folle et ton tom t'a mis les pucées. La jalousie, ça tue, et ça, toi-même, tu sais. Et non, y'a rien de rigolo. Quand tu vois que la plupart de tes potes finissent alcoolo, t'as changé de camp comme Rollo. Y'a rien de glorieux, t'envoies les gens faire le sale boulot. Je galérais pour m'acheter un polo. C'est Dieu qui donne, demande à Solo. Si ton pote voit que t'es mieux que lui, il pourrait te cardiaquer ta polo. Hola, señorita mec et boule. Je m'y perds dans ses couleurs, je vois la vie en couleur. Déjà tout petit, j'essayais de lever un pied, oui. J'ai d'autres talents cachés, pour moi le rap c'est inouï. Je vais mélanger la vodka au fond de ta fraise de kiwi. Ah j'ai dit oui, j'ai déjà vu pire, je m'en fous de ma réputation. Je me fous de ce qu'on dit sur moi comme cette fille devant la station. Le foot, le rap, moi c'est ma passion. Fier d'être marseillais même si on frôle la relégation. Frère passons, moi je taffe le son. Pendant que beaucoup s'endorment sur leur paillasson. Et quand c'est qu'on se casse, car ici tout se baise. Par derrière ils font les macs et devant tout se taise. La jeunesse est trop fêlée, perturbée par la télé. Dès qu'un commerce dans le quartier, ça veut l'ouvrir au casse-pélier. Je suis pas proche, je peux t'enseigner le respect, comment s'aimer. Si tu cherches à me la faire, je peux t'apprendre comment saigner. C'est décidé, je vais dessiner mon avenir, faut consumer sans consumer. C'est bien de parler, mais je pense qu'il faut assumer. Je vais les fasciner, le pacte, je l'ai pas signé. Je l'ai assez dit, assassiné, ils finiront s'ils baffent trop, car ce n'est pas le ciné, à ce qui paraît. Tu parles de moi tous les jours sans arrêt. Et après tu te demandes pourquoi du quartier je me suis barré. Le monde est grand, je compte même plus les jaloux au mètre carré. Les checks sont grands, mais y'a tout le monde au bled ou en maison d'arrêt. Tu m'as invité, t'as papaga, tu me fais le grossiste de Malaga. Soit disant tu niques tout le monde, tu es un boxeur, mais tu mets mal la garde. Tu me dis pas bonjour, on dirait je te dois des euros. Sinon on se parle plus. Ça fera des heureux. J'ai commencé dans ma chambre, j'étais à 0-0. À chaque fin de son, je suis pas satisfait, comme si j'avais fait un 0-0. Mêlez-vous de vos affaires au lieu de savoir ce que je fais. J'ai fini par terre sans savoir où j'étais. Mais dis-moi à quoi ça sert de rouler en féfé. Tu puisses même pas mettre l'essence, tu mets tout dans la CC. Arrête de dire tu bizarre, j'ai toujours été bon vivant. J'ai pas attendu que les sous pleuvent allongés sur un divan. Ouais, la vie m'a marqué comme ce tout petit qui vend. Choqué comme quand il te donne cette capote aux arrivants. J'avais plus d'essence, je suis parti siphonner. Lui il parle de la rue, dis-moi qu'est-ce qu'il connaît. Moi les vrais se ressentent, je te les fais frissonner. Je sais que c'est grâce à eux si un jour je suis au sommet. Je te sens pas bien le sang, bouge ta tête, monte le sang. Tu n'as même pas encore vu le jour que tu veux me faire des leçons. Pour toi j'ai fait beaucoup, dis-moi toi qu'est-ce que tu m'as donné. À part de la déception, je crois que je pourrais plus te cardonner. J'ai vu tout le monde revenir. Ils savent t'amadouer en te racontant les souvenirs. Tu m'as saoulé, je vais me saouler, je vais t'en faire baver. Tu fais le mac avec les faibles, dis pas que c'est pas vrai. Moi j'ai dit la vérité, on m'a traité taré. La guerre sans faisant la paix qu'il faut la préparer. On m'a aveuglé, brûlé mon cœur au second degré. Je deviens tellement dur que maintenant y'a plus de regrets. Je fais de l'underground, du son qui tape les jambes. Je me tue au studio, je vois pas le temps défiler et les champs poussent. La tête sur la lune, ouais, demande à cause. Je veux pas bien me lâcher, après ils vont dire que j'ai cracouze. Wesh, c'est bizarre, t'as fumé sur la pelouse. La miss me cherche trop, je crois bien que je vais lui calouse. Et ça me boycotte, ouais, ça franchement c'est les. Je refuse beaucoup de choses, radio, plateau, télé. Il t'a dit fais confiance, il est parti chez les. Schmitt gros PD, maintenant ça va se faire péter. Je fais des pompes pour cet été, non tu n'as pas à t'inquiéter. Quand j'étais seul dans ma chambre, dis-moi toi où t'étais. Je te niquais, ben voilà, maintenant cale-toi mon doigt là. Quoi on me raconte, quoi là, tu veux me clasher, t'as des joues de quoi là. Nous le permettons de faire des clips, de mettre la moto en Y sur l'autoroute de Berlétan. Nous l'admettons. On tire pas, on se la pète pas, si on fait le mec c'est que pour faire les cons. Pas Gucci, pas de Vuitton, Nike et Kalendi. Les petits ont faim, charbonne de lundi jusqu'à lundi. Vas-y fais un petit, frérot prends la relève, je crois que ce soir je suis avec ma petite. Ce soir je suis avec ma petite, ce soir je suis avec ma petite. Oubliez-moi, m'appelez pas, votre carré de bulle, j'ai même pas de cheat. Je m'évade un peu, je fais le beat, j'ai pas d'abdos, j'ai un peu de bide. Et je fais des choses torrides, au volant de mon bolide. Ça a changé maintenant pour les jeunes, tu es une idole. 5 ans avant, on allait à la plage, on volait des canettes à Lidl. Des fous rires, des coups de gueule. On brouillait tout le people. Maintenant, tellement que c'est calme, on check le soir, t'entends les chats qui gueulent. C'est pour la pointa, tous les vrais sur le terrain. Tu crois qu'il parle de moi, lui? Je sais pas, j'en sais rien. Je sais que j'ai plein d'émotions, de choses à dire. T'as vu ce gros son, ben crois-moi, y'a pire. Sois conscient de ce que nous faisons, on bâtit un empire. On s'est fait tout seul, c'est nous, au volant du navire. En plein hiver, je suis tout blanc, sonne la night comme un vampire. 4 albums par an, je compte pas ralentir. Je vais vers la lune, une pensée pour mon mot de sky. Pour tous mes proches au ciel, je prends mon verre de sky. Vous parlez de moi comme si j'avais volé vos mères. Vous les petits jaloux qui sont amis avec les commères. Je t'ai aidé, tu me rabaisses, là je suis vraiment en colère. Entre nous c'est électrique, il y a bien un froid polaire. Il y a des choses que je tolère, il y a des choses que je tolère pas. Comme nuire à son poteau, comme trahir l'omerta. Prisonné, je crie liberta. Y'a de quoi serrer, je vous comprends. Quand t'as niqué des meurtres, là je veux pas te comprendre. Pas de casque, t'as frappé, faut que tu casques. Faut pousser, faut voir plus loin, dédicace, believe, musicast. D'obitume pour faire toucher la bavette. Touche à maman, je te nique ta grammaire, la cagette. Wesh alors bambina, moi ça va tranquillou. T'as abusé sur le pilote, je crois qu'on va te lécher le minou. Là je mets le paquet, je sais que je t'ai pâté. Je sais que je pars pas la nage, moi quand je sais que j'ai papier. Le flow dans l'âme, j'ai une répute, un talent. Tu dors après tu pleures, petite pute, range ta langue. C'est d'or et de platine, j'espère un jour le diamant. J'espère un jour le diamant. J'espère un jour le diamant. Tu dis que c'est pas du rap, mais ça c'est quoi? Je fais danser les gens, ils te ressentent, ça te fait quoi? Tu fais celle qui perd que mes holies c'est qu'une croix. Je fais des millions de vues dans le mois alors je deviens une proie. Je suis pas le roi, arrête de dire n'importe quoi. Regarde-toi devant une glace, frangin la prochaine fois. J'ai vu la haine du faible, j'ai vu la faiblesse du fort. Je regarde pas ta sœur même si elle est tendue du corps. Après tout, malgré tout, j'ai du cœur. J'ai pas de nouveaux potes, leur faire confiance, j'ai eu peur. Entre BDH, donneuse de go, je m'y perds. Cette piche, je prenais la caisse à ma mère, j'avais pas de mi-verre. Montant sur une roue, je faisais des circuits dans la zone. Je crois au bon Dieu comme quand t'es croix à la Madone. Elle, elle croit qu'on va se caler car elle est mignonne. Juste une nuit, je veux pas de femme, qu'est-ce qu'elle est conne. Je veux faire million, j'ai des trous dans mes chaussettes, gros. 14 ans que je rappe devant le mic, je suis synchro. Des années à écrire, partir en impro. Je joue à l'OM, le foot m'a déçu, je voulais être joueur pro. J'ai toujours ma patte gauche, tu me derrière, je raccroche. Au game, je m'accroche comme un voyou à sa sacoche. T'enchaînes sèche sur sèche. Frérot, je te reçois plus 7 sur 7 depuis que t'envoies flèche sur flèche. Tu veux me devancer, lol, faut que tu te dépêches. Tu veux manger sur Joule, tu auras well ou mec-esh. Mes potes m'ont fait mal autant que m'a fait clochette. Voilà pourquoi je rigole avec une larme sur ma pochette. Le malheur me crochette quand j'aperçois le bonheur. Ils bandent tous sur lui parce qu'il a une répute de conneur. Moi je suis pas un BDH, j'ai la fierté et l'honneur. Ça faut bien que tu le saches, faut pas faire le mac. Quand tu demandes une photo, moi j'ai peur de dégâts. En plus je me balade souvent avec des gens qui ont des guns. Parano, on regarde s'il y a rien au-dessus de la route dans le rétro. Si la machine bip fort, c'est que tes ennemis ont les crocs. Ha ha ha. Freestyle Kameha. J'ai frotté la béquille anti-Maxima. Putain de routine, dangereux comme Poutine. Je vis tout le monde, j'ai du cœur, j'aime les blondes, les brunes, les rouquines. Pourquoi tu sais neuf? Je fais des textes crus à ceux qui disent que je fais pas du rap, à ceux qui ont pas cru. Y a une fuite chez moi, un inconnu à des exclus. Venez me dire qui c'est que je le tarde, que je l'exclus. Ils vont s'affoler, car ils auront 200 de moi, même quand je vais m'envoler. J'ai pris le game de voler, abonné à la street, toi tu connais. Je joue pas drôle, je me connais. Un défi, je le relève. Je vois la pluie qui tombe, j'ai plus envie de sortir. Je vois le ballon arriver, je suis obligé de l'amortir. C'est triste, ça arrive toujours sans avertir. Des gens au check sont bizarres, je sais même plus quoi leur dire. Si je t'ai décès de bon cœur, j'entends rien en retour, moi. Mais t'abuses, tu parles de moi quand mon dos se retourne. Je me lève caca dans les yeux. Aujourd'hui, je pars bien, messieurs. Je pense à mes problèmes, je pense à mes proches dans les cieux. Je trouve pas le sommeil, je deviens insomniaque. Je confiance en mon album, je sais que mes sons claquent. Ouais, non, mais sans blague, j'aime sonner sans casque. Tu peux me voir en féfé ou en stunt en plaque. Ils veulent une toffe la bac. Je fais le signe cash, million dans le Macintosh. Tous les trois mois, je tourne une page, tintage. Il m'a fait de la peine, lui. Il y en rajoutait des mois, il a même pas fini sa peine. Lui, hardcore, sa quelle vie. De Marseille, de Cargès jusqu'à Calvi. Ouais, on vit un calvaire, on rêve toute la belle vie. Prendre le soleil sur un yacht, grouper tout jacuzzi. J'aime le silence, ferme ton cul, la compte de ta cousine. J'aurais été Tarzan, moi, j'aurais dit j'étais ma Jane. Je le jure sur Bulle, sur le grand-père à James. Dédicace à Team Jules, vous êtes tous des vaillants. Merci au bon Dieu, malgré tout, je suis croyant. Je ne voudrais pas ton aide, même au fin fond du monde. Tu es là, tu veux faire passer des messages quand il y a du monde. Maintenant, on me reconnaît de dos et de profil. Ça me gêne ce monde des faits, de faux et de profit. Ça trahit, regarde les conséquences. Boîte séquentielle, arme russe, tu connais la séquence. Ne le dis à personne si tu passes à l'acte. On le sait qu'à cette fois, le diable bouffait la salade. Pour deux points, ça coupe l'oreille comme Van Gogh. Elle, elle t'a placé à croire que son idole, c'est un gong. Tu veux me tester, vas-y, j'attends le gong. Un ordi qui vaut de l'or sur une télé Shangong. Et non, y'a rien de rigolo. Quand tu vois que la plupart de tes potes finissent alcoolo. J'ai changé de camp comme Rollo. Y'a rien de glorieux, t'envoies les gens faire le sale boulot. J'galérais pour m'acheter un polo. C'est tout qui donne, demande à Solo. Toi t'es mieux que lui. Il pourrait être cardiaque et Apollo. Joule, grosse dédicace à Nanterre, Sarcelles. Tout Paris, tous les quartiers de Paris, de Marseille, de Lyon, toute la France. C'est Joule sur Skyrock dans Planète Rap. Yeah, yeah. Ça fait. Ok, yeah. Survette, claquette, lunettes, casquette, buvette, fumette, un Y sur la A7, braquage, boule à Z, traîne pas avec moi, tu te la pètes, t'es là pour la fête, tu me dégoûtes sur ma tête, moi aussi j'ai connu les soucis, j'avais pas quel âge j'avais, j'ai toujours été serein à chaque sortie de JAB, si tu m'en fais du mal, t'inquiète pas, c'est gravé, ne viens même plus me parler, ça risquerait de s'aggraver, j'écoute la guitare tard, j'aime son état, je passe au pote au mitard, tard, un gamber sous pétard, c'est d'art et c'est quand qu'on part, part, ça je ne sais pas, je vaporais même en plein phare, l'équipe me laissait pas, un peu de rosé, un petit flash, on finit en mauvais état, on se croit capable d'aller seul. Sans rien pour défier l'état. J'ai la haine de tout, moi je vais pas lâcher l'affaire. Avec ces putains de PDH qui ont voulu me la faire. Ils sont pleins de wesh gros, tiens le sang, tiens la chair. Maintenant quand je revois vos têtes, ben, j'en ai la gerbe. Et j'ai squatté le béton, j'ai vu des frères béton. Connu des potes très cons, obligé de couper les ponts. Et toi n'ose pas le temps, depuis tout à l'heure tu me fais le temps. Je dis rien, je ferme ma gueule, mais je veux me chauffer, je veux te mettre entendu. Ouais, t'as bien entendu la con de ton grand-père le vendu. T'as voulu chauffer tout le monde, la nouvelle s'est répandue. Et arrête un peu de faire le mac. Pour ta mère, va à l'école, réussis le bac. Du mal à m'exprimer, je manque un peu de tact. Percer seul, égal, boycottage de contact. Yeah, je suis fier de moi, mais comme t'as pas idée, je dois plus rien à personne, tranquille, je peux vous quitter. Tiens, voilà de la qualité, de la quantité. J'aime la musique, j'aime le calme, j'aime la quantité. T'as plus rien et ta femme t'a quitté. Prie le bon Dieu pour que tu fasses acquitter. Des petits t'ont tout volé chez toi où t'habitais. Ça t'a fait serrer, on dit même t'es habité, abrité. Entre quatre murs, tu passes à t'évader. Comme un con, tu t'es mis avec des gens qui vont t'abrigader. À faire des choses tarpins bizarres que tu n'aurais pas fait. Ça se finit toujours mal, on sait comment ça va se passer. Et toi, tu dis que t'es d'un quartier qui n'est pas le tien. Et dès que tu sors, tu veux nous faire la bise, allez, tiens. Après, c'est là, ça se plaint de sa vie de chien. Après, c'est là, ça se plaint de finir avec une chienne. Et ton petit jaloux, j'espère que tu m'écoutes. J'espère que t'as la rage, j'espère que je te dégoûte. Car je sais qu'au fond, tu m'aimes, tu peux pas l'avouer. Ça te plairait beaucoup que je sois au bout du tunnel. Je vais me faire un putain de look quand je vais atteindre le milli. Faudra pas qu'on me loupe si on me sort le milli. Je vois que du néant, mais néanmoins, si je coule dans l'eau, faudra bien sauver Willy. Je fais des winnings en bécane quand c'est mort à la zéro. Ne me mettez pas les nerfs, j'ai le moral à zéro. J'ai frappé en croche, je me suis niqué l'épaule. J'écoutais pas les profs, je m'emmerdais à l'école, c'est pas terrible. Elle fait sa folle, elle est pleine de bactéries. Prends pas des risques, comme à Chelsea, en défense, on lève pas Terry. J'étais milieu, j'ai fini latéraux. J'ai tout niqué avec cet apéro. J'évite les folles comme le coca zéro. Y'a des hauts, y'a des bas, ne pleure pas frérot. J'aimerais voler, passer dans les nuages. J'ai envie de traîner mais je n'ai plus l'âge. Vas-y insulte-moi si ça te soulage. En pégé je suis pas bien, je deviens plus coulage. Tu sens le skin fuse de la bouche, prêt Hollywood. Qui sait peut-être que demain mon blast sera gravé à Hollywood. T'es là, t'en boucanes tout le monde à droite à gauche. Toi c'est comme ce briquet qui passe de poche en poche. J'aimerais marcher sur l'eau mais je n'ai pas de pouvoir. J'aimerais toucher la lune, je sais pas si je vais pouvoir. J'avance à tout petit pas dans le noir. Sans savoir ce qu'il y a au fond du couloir. Fais jouer une propos si la vie t'a marqué. Ne sois pas jaloux de ton pote même si c'est lui qui a marqué. Y'a pas de mérite à vouloir faire le Jacques Mérine. Apprends la vie aux jeunes au lieu de faire le mec pas terrible. Je dis tout ça c'est le son du bordel ça. Dédicace à Nan, JP Duponté, Manu, Némo, Presse, Solarbi, Maxime, Tony, Marie-Pierre, Thierry. On vole, shit, les moi ça. J'cape sur le jarret, file-moi ça. C'est pour les petits à la gratte, gratte, gratte. Comprends un qui te dise, file-moi ça. Marseille, c'est ma ville, c'est ma zone, c'est la jungle. Ce qui amène à braquer, c'est la chienté. T'es cramé, pas la peine de me feinter. T'as pas aimé le week-end, t'es en Bentley. J'rappelle denté, denté, denté, vite denté. Joint, peu, j'viens de loin, poto. T'as trahi, tu oublies, y'a un bon dieu, c'est pas grave, y'a rien, poto. Ils ont trop la boco. Me raconte leur vie, j'leur donne mon avis. Ils le prennent comme ils veulent, ouais, gros, ils sont sous coco. Croyez tout permis, font vivre à leur mère Lazermi. Le petit pote charclé, même s'il a pas de permis. Non, j'oublie pas ma thèse, j'suis parano, faut pas qu'on me laisse. Ils m'ont vu gentil, ils vont serrer quand je vais revenir comme un pied sans laisse. Regarde mes frérot, y'a pas de fesses. J'ai une famille, j'respecte tout ça. Non, y'a pas de maladresse. Si tu dis tout le frérot, écoute ça et fais pas le mec devant ta gadia. Dire vous, je le connais, c'est un fatigué. On s'est jamais vu, je sais pas qui t'es. Arrête un peu de me critiquer. J'ai revendiqué ma haine, ma peine envers l'amitié. J't'ai nourri comme ta mère et tu me zappes, dis-moi quelle amitié. Ah ouais, c'est bon maintenant sans pitié. Que vous fléchez, les gars, faites-en un métier. Je suis arrivé dans ce game, trop énervé, les manches retroussées. J'ai fait des queues de poisson aux gens qui voulaient pas se pousser. Ce qui paraît, ce fils de demain, ton retour par lui, ils te font tousser. À force de dire des merdes, un jour ou l'autre, ça va être la bousée. Ouais. Ils aimeraient Dieu cool qu'on n'entende plus parler de moi. Plus parler de moi, plus parler de moi. de revoir tous les deux mois. Revoir tous les deux mois. Revoir tous les deux mois. Renard à Y, c'est Jules qui te cause. J'ai trop faim, je fais même pas une petite pause. Mathieu me suit, c'est trop comme je l'aime. C'est plus fort que moi, j'en vois pas petite pause. Et ratatatata. Tenez-moi, je vais faire un carnage. Elle va cracher ma vieille charine. Je vais leur faire bouffer le carrelage. J'suis pas trop promo, les vrais me connaissent. Trop de poutons, de fausses promesses. Tu peux me trouver au quartier ou poser tranquille vers Garges les Gonesses. Ouais, ils aimeraient que je coule, qu'on n'entende plus parler de moi. Plus parler de moi. Plus parler de moi. Elle, elle dit qu'elle veut pas toi, mais elle vient te revoir tous les deux mois. Revoir tous les deux mois, revoir tous les deux mois. Ils aimeraient que je coule, qu'on n'entende plus parler de moi. Plus parler de moi, plus parler de moi. Elle, elle dit qu'elle veut pas toi, mais elle vient te revoir tous les deux mois. Revoir tous les deux mois, revoir tous les deux mois. Ouais, c'est tout, tout, tout l'enlève. Dédicace à crier Marc du coquet, ouais. Patsy Marco, Reda au bombe, voilà. Amada à Salon, grosse dédicace au mom, voilà. Dédicace à Younes, Teddy, voilà. Moubarak, Tarek, c'est Jojo Jol en direct. Ouais. Ok. Ouais. Yeah. Dans 20 minutes, tu clipes. J'ai zoné H24 dans le béton. C'est la guerre, il pleut des balles dans le ghetto. Allez, get down, get down, shit. Faisons du business et parlons chiffres. J'suis moi avec des folles le soir, t'arranges l'île. I have a dream, j'marchais sur l'eau. J'me suis fait un film, le poule à Lil Kim. C'était grandissime, puis sur la mer, posé dans la piscine. Ah ouais, ils ont dit ça, les fils de pute. Ah ouais, ils font du ça, les fils de pute. Maintenant, j'sais ce qui valent, qu'il y ait des rumeurs, je dis lol. J'peux finir seul, ça me dérange plus. Je me mélange plus, je vois loin, eux n'arrivent même pas à regarder. Ouais ouais, j'étais gentil, maintenant je rigole plus. Je vais me dérouiller, gros, ça va barder. Je fume mon fait dans l'eau, comme un voyou. Je décapote la fée, je sais même pas, je me taille où. N'essaie pas de me bloquer, le logo d'épée est floqué. Je vais les marquer comme Zizou à la You. Comme Zizou à la You. Comme Zizou à la You. Comme Zizou à la You. Comme Zizou à la You. Comme Zizou à la You. Comme Zizou à la You. Comme Zizou à la You. Avec le GP, avec ma team Joule qui est là. C'est le feu ce soir. Joule, ok. Un. Yeah. Allez. Les maliennes. Yeah. J'suis trop déçu. J'suis trop déçu. J'suis trop déçu. J'suis trop déçu. J'suis trop déçu. Même pas, j't'en parle. Tu vas arrêter de parler de moi, wesh mon pote. Tu viens tout pâle, moi je te mens pas. Tu me fais de la peine, tu vaux même pas une balle. C'est Jules qui déboule, ça va faire des strikes. Tu vois pas, tu me niques les yeux avec tes Lucky Strike. Ton pote il chante trop, vaut mieux qu'il style. C'est pas ma faute s'ils sont visés à chaque freestyle. Ils me souhaitent tous le malheur, quand ils me disent à ta l'heure. Je dois les niquer, c'est l'heure, faut que ça pète fort fort. Pour mes charbonneurs, mes receleurs, pour mes voleurs, faut que ça brasse fort fort. J'aimerais faire le vide, mes frérots, je manque d'air. Remballe ta mère, toi et tes commentaires. Je connais beaucoup de vrais, beaucoup de menteurs. Beaucoup qui seraient prêts à mettre du sucre dans mon moteur. D'où vient ce crime? J'en suis l'auteur. Je m'en fous de l'argent, de son odeur. Je m'en fous de prendre de la hauteur. Je te crois jamais, je connais ta répute de carotteur. Je fais de rancune avec un gros cœur. Je veux pas me la péter, ouais, ça me fait trop peur. Le buzz et ses conneries, ça prend de l'ampleur. Ils font semblant d'être payés, sont tous les soirs en pleurs. Oh, je n'ai plus de chagrin. Je suis bien, je veux le bien pour chacun. Oh, il me fait le chaud lapin. Après, il va courir comme une catin. T'inquiète, frère, tout ceci. Trop de bâtards qui font des manières. Moi et mon équipe, on touche pas à la C. C'est un 3-5 là sur la bannière. Je crois que la poisse m'a enlacé. Des fois sur ma route il y a plein de barrières. Je me sens pas du tout menacé. Tu crains rien quand tu côtoies la galère. Vas-y agis maintenant t'as parlé. Vas-y agis maintenant t'as parlé. Vas-y agis maintenant t'as parlé. Maintenant t'as parlé. Maintenant t'as parlé. Ouais ouais vas-y agis maintenant t'as parlé. Agis maintenant t'as parlé. Vas-y agis maintenant t'as parlé. Maintenant t'as parlé. Maintenant t'as parlé. Bon l'équipe, je veux voir tout le monde danser là. On est chaud ou pas? Ouais. On est en chaleur. Ok. Jujujul, en direct dans Planète Rap. Si. Aïe. Yeah. Il a donné tout à l'humain. Ok. Il a donné tout à l'humain. Yeah. Ok. Yes. Yeah. Et je ne sais plus quoi faire. J'en ai vu plus bactères. Je suis plus trop sur la terre. Quand je tire des grosses barres d'air. Teste-moi, tu vas finir par terre. Même si tu le sens que tu es la veine de l'artère. Je m'en bats les couilles, tout seul je me débrouille. C'est pas faire l'andouille quand on parle d'affaires. Je lève tout, même ton baisse pas 300. Pas la notion du temps, je vois noir et blanc comme le sang. Des cheveux, je sens le jacques des singes. Y'a un bruit, frère, faut que tu descends. Tu parles de qui là, je crois que t'as claqué. Tous tes potos t'ont matraqué. J'suis trop gentil, tu mérites d'être taqué. J'ai eu l'occasion, mais j't'ai jamais taclé. Et arrête de jurer la vie de ta mère. Tu mets le démon que tu parles de guerre. Et après, tu te dégonfles la con de ton père. Allez, esquive gauche droite. Dédicace Saint-Denis Nanterre. Tu me vois plus trop en boîte. J'me fais discret, gros, c'est volontaire. Et toi, ne garde pas. J'te reconnaîtrai dans le noir, sa lanterne. Je sais que tu crois qu'on te croit. Tu me fais de la peine, mon frère. Tu vas en boîte pour faire payer des bouteilles. La compte de tout est, faudrait mieux m'écouter. Au lieu de me redouter, tu voulais la rush, j't'ai donné le bouquet. Je voulais juste un plan, tu voulais être ma poupée. Je déteste ce loup qui veut niquer le berger. Ce même loup que le berger a hébergé. T'as beau qu'un berger, t'as beau qu'un berger. Tu repenses toujours à ses fils de en train d'émerger. Tu me vois comme ça avant, j'passais le balai. On me dit toujours ton parcours, il nous a régalé. Tu me fais le vrai, moi j't'ai vu détaler. Alors que c'était des fatigués qui étaient venus pour parler. J'entre sur la piste, les filles ont les crocs. Elle a faim, elle veut venir à métro. Renfermé mais chez tout comme dans Pietro. J'ai ma rage, mes oreilles et mes yeux dans le ghetto. Y'a de la frappe, c'est une joule sur la plaquette. Claquette n'a pas ici quand je freine, j'entends les plaquettes. Enveloppe, raquette, bang bang. Ça tape la coque, ça se croit dans Scarface. Tiro a donné dans Naïma. Il est très fort quand il ment. Cocaïna, cocaïna. Pour faire construire des gens immenses. Je te pardonne comme au principe. J'ai mes valeurs, mes principes. Tu pas mon pote mais je vois que t'insistes. C'est faire de l'argent qui t'incite. Yeah, yeah, yeah. Ouais, ouais, ouais. Dédicace à Maxime la banane et Victorien. Joule. Yeah, yeah. Alors, on est chaud ou pas, les gars? Ouais, ouais. On continue, on est là. On est en chaleur, en chaleur. Yeah. On enlève les vestes, les vestes. Aujourd'hui, j'ai la tête ailleurs. Aujourd'hui, j'ai la tête ailleurs. Aujourd'hui, c'est la tête ailleurs. Aujourd'hui, c'est la tête ailleurs. Ok. Aujourd'hui, c'est la tête ailleurs. Trop faux cul, trop de braillards. Je me remémore la bonne époque où on baroudait sous Season Fire. Alors, comme ça, je fais pas du rap. J'aurais pas une carrière durable. Écoute, freestyle, je les mets d'accord. Et reviens, tu sais, c'est parce que tu rates. Dans le rap, tu m'arrêtes. C'est Lilian Thuram, rien que tu rames pour les petits Einstein qu'on finit cagoulé dans le 4-4 Touran. Un pour tous, tous pour un, c'est fini, c'est plus comme ça. Le passé, c'est le passé, mais pour moi non, faut que je gomme ça. Pour mes gars solides dans les gros bolides qui s'enjaillent sur mes sons. Se tournent partout, c'est la gasoline, et même les darons dans leur maison. Je parle de russe, connais pas le zoo, je connais les soucis, le manque de sous. Elle a des belles formes dans son legging, y'a tout qui panque à l'effet dessous. Je compte personne, ils sont jaloux, ils allaient se coucher quand au taf j'allais. Ils rigolent quand ça te rabaisse, t'as vu devant eux, faut jamais chialer. Faut jamais chialer. Faut jamais chialer. Faut jamais chialer. T'es la famille, je t'appelle le sang. T'as des priorités, chacun les siennes. En ce moment, bien, je me sens. On me dit que je suis le seul chien qui esquive les chiennes. Du, ça reste magique. Faut mon signe, même en Chine. En ce moment, j'ai pas la guine. Je sens le bon Dieu près de moi. Tu fais comme je rappe, ils hallucinent. Il y a deux semaines, je moquais de moi. J'ai poussé dur toutes ces années. Je te dis pas comme je suis fier de moi. À dire que j'étais un chien au quartier, j'avais pas un seul fin de mois. Tous les videurs me recalaient. Je faisais des bagarres tous les week-ends. Plein de bleu partout. Ma mère me disait ça va. Je dis ouais, nickel. Et on a trop rigolé. Parfois on a trop picolé. La mort on a frôlé. Insulté les chemises derrière les volets. Si j'ai fauté, désolé. Je demanderai pardon. J'irai m'isoler. Fumer ma peu jusqu'au carton. Je me suis bu entre gardant. Pour le taf toujours partant. Je fais tout avec le cœur. Faut que je me sente bien en partant. C'est bien, ça me donne du courage. Tous vos messages la team. Oubliez pas, c'est grâce à vous que je suis fait d'or et de platine. Oui, c'est moi la machine. C'est la crise au check, mec. Je hais les decks, deck. C'est l'été, je taffe les pecs, pec. Et fais pas de mec, mec. Ta voiture, c'est une lock, lock. Tu charges des chocs, choc. Tu fais le pigeon avec elle, coco. Un 3-5 mois de fuck. J'suis trop pépère, j'les choque. Ramène qui tu veux, j'pourrais même poser sur du rock. Je connais pas, il me soque. Me parle, parle de Glock. Me raconte sa vie, me dit qu'il a mis sa folle en cloque. Putain de vida loca. Putain de vida loca. Putain de vida loca. C'est la crise au check, mec. Ok. Du jour le 24 juin dans les packs. C'est aujourd'hui on pète tout. Yeah. Ok, Mani. Yeah. Yeah. Trop de de Bussender, mais ça le fait bien quand t'as la cote. Je compte niquer le game, être légendaire comme le croco du Lacoste. Une miche Lacoste, toi même tu sais, si elle a trop faim, ben gros je la dose. Wesh ma poule, tu veux du best, tu risques de te faire briser la cote. Viens Marseille, c'est trop ghetto, anti-PDH, anti-caniche. Suffit qu'on tombe une Jack Miel et c'est vers Ali sur la corniche. Que tu claques pour te montrer, mais nous on sait que t'es pas riche. Reste tranquille, tu vas te faire niquer devant ta mine. Ouais, vas-y monte le son, tu vois pas que ça te chauffe le sang. On connaît bien la rue, on connaît les bagarres, les marques de sang. Oh salope, doré de platine, ça va payer. Ouais, ouais, ouais, on garde la tête haute, fier d'être marseillais. Ouais, ouais, ouais, asseyez-vous, j'ai pas fini. Trop de potos entre deux camps, je veux pas la guerre, mais je m'y prémarre, je peux faire fumer par une tête de con. Wesh mon frère, je suis pas ton frère, ouais, vas-y occupe-toi tes affaires. Tout conseil est bon à prendre, mais pas besoin, je sais comment faire. Je sais quoi dire, j'observe les traits sur mon iPhone dans ma voiture. Je vois tous leurs commentaires, et quand je vais les voir, ils savent pas quoi dire. On reste soldé malgré les coups. On sait qui sont les coupables. Vous serez en train de vous niquer pendant que nous on sera vers Cuba. À quoi ça sert de chanter, se vanter? Si ça touche à la famille, on sait qui seront les premiers à partir ganter. Vous bandez, ça vous fait plaisir de rire sur le malheur des gens. J'ai plus confiance à l'homme, il te trahit dès qu'il a une chance. Si je me répète, bah c'est que je vis trop ça. Je préfère être l'ennemi de Tony plutôt que de Sosa. Ça peut partir de rien quand tu prends un coup de crosse. On vit tellement renfermé qu'on est devenu insocial. Conduite de criminel, la chaussette sur le pied gauche. Moi je sais pas, je sais plus frérot quand le flic est interroge, accélère, je vois les gyrophares. En plus derrière c'est en train de rouler. Je représente les petits qui braquent, visage caché par le col roulé. Si je t'ai aidé c'est de bon cœur, moi c'est pas avec le cerveau. Trop de pompeurs mais dans chaque histoire on retient que le cerveau. Je fais un burn, perdu aux mecs qui sucent des burnes. On a tous connu les temps où on devait serrer la ceinture. Ouais j'ai vu que rien n'est sûr, que ça n'y met mon tort. Ça aime trop la violence, les bandits pensent à Raptor. Contre l'état c'est corps à corps, un 3 c'est trop hardcore. Nargue les flics, fais-leur un doigt, fais la misère à la forme. On est de la jeunesse excitée, le crocodile collé au cœur. On est tué à relever le défi même si on n'est pas à la hauteur. Je le dis et je le répète, on va monter les vrais pour mes potos les vrais, pour ce qui dans l'ivresse. Un jour je vais partir, je sais pas combien il me reste. Pour les petits sans parents, pour les parents qui stressent. Mon frère je reste debout, j'encaisse plein de coups. Je vous ai vu vous faire gifler, vous venez me faire les fous. Trop de speed dans le moteur, nique tous les saboteurs. Faut pas jouer avec la fierté frérot, faut pas jouer avec l'honneur. Le game je vais le killer, je suis vénère bon enculé. Pas de blème pour moi, je te mets une panne, un cas ou un petit filet. Ça fait dans l'illégal alors dans le secteur y'a la PJ. Moi aussi je traînais quand y'avait des gains, quand y'avait que le vendeur de shit. Les commères méritent des gifs, c'est chaud. Je viens d'accélérer, je rafale YouTube, y'a plus d'un gars dans le rétro. De BDH qui lance des réputes, on s'apprend, on s'écoute. Au début c'est cool, et après c'est à celui qui va porter le plus ses couilles. Ok. Moi ils croient que ma vie est rose parce que j'ai vendu des CD. Qui va venir me poser la rose le jour où moi je vais décéder. Pour toutes les villes de France, les débrouillards dans les cités. T'inquiète c'est dans le cœur, c'est pas demain que je vais tout quitter. On finit ridé avant l'âge. À sa majorité gros, ça veut s'acheter une calage. Coupe coupe le bangé, mets-le dans l'emballage gros. Ça veut le vaisseau dans le garage. Du en direct, ok. Ok, on fait que déconner, coincé des poneys, on les voit, on les jette, elles font que téléphoner. Ok, yeah. Dernier son les gars, yeah, yeah, ok. On le signe, on fait que déconner. C'est des poneys, on les voit, on les jette. Elles font que téléphoner. Avant le métro, je prenais, sortais de l'école, jouais au foot. Les caches, c'était les poubelles, on partait s'évader au good. Je suis sincère, là, faut que t'écoutes, mais n'écoute pas ce que ça raconte. Je t'aime pas, toi, tu me dégoûtes, t'as fait un peu de vie, tu te la racontes. Y'a des CZ dans la soute, y'a des peuples sous les lits. Je souhaite le bonheur à ce qu'ils m'en veulent, même si ce qu'ils pensent, c'est pas joli. Tu parles mal, je reste poli, pourtant, c'est lui, l'envoie le colis. Ma life, c'est toujours la même, j'ai besoin d'un coach comme poli. Je compte bien marquer l'histoire, comme le coup de tête de Bowie. Je compte bien me tailler d'ici avant d'être obligé de faire des folies. Dédicace, même à tous ceux à qui je parle plus, parce que ça me fait de la peine, vous savez qu'il y a rien et moi aussi. Là je parle à mon quartier, serrez-vous les coudes. J'ai dû partir, tout allait bien, des fois je reviens, y'en a qui boudent. Et si je fais cracher le moteur, le soir tard c'est pour les emmerder monsieur l'agent avant qu'ils appelaient l'inspecteur. J'ai vu ce que c'est les sous, ça m'a pas ébloui. J'ai connu le froid dans le bloc l'hiver, c'était dur pour qu'on sourie. Dédicace à Chico, un 3-5 sur tricot. On se lève volant les nerfs, dans le jardin on veut l'hélico. Dédicace à Fabio, gilet baby boy. Tu veux nous voir, parle à nos fakes. Au final t'auras feuille. Je passe dans ma chambre, micro dans le coin, y'a pas de cabine. Moto suspect devant la Z, ça les à la carabine. Wesh alors, wesh alors, là ça va mais moins qu'hier. Sans la patate, tu es inquiet. Dans ma tête, je fais des prières. Je n'en ai rien à cirer. Que l'équipe y mette la sirène. Donne le nom d'un poteau, cache le bang et ses putes y viennent. J'ai plus d'oxygène, je me sens comme ce gars qui gêne. Envie de foutre le feu, de péter un gros jeune fumigène. Je rentre à l'hôtel, j'appelle le F ou Kader. Je finis mon texte à bord du Uber. Ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais, sur grand-père. J'ai vu les petits jouer frérot, j'ai vu les grands perdre. présent jusqu'à ce moment entière. Je crois qu'encore ce menteur, je connais la jalousie, son ampleur. Ouais, ouais. T'inquiète pas, on gère. Tu nous cherches, on sait se retenir comme le souffle d'un plongeur. Là, c'est du tout. Dédicace toutes les prisons. Pour ceux qui se ressentent, qui m'écoutent et qui ont les frissons. Des fois, j'ai plein de missions. J'ai plein d'intuitions. Avant que les civils viennent, je cache le shit dans les buissons. J'ai dit la vérité, ils sont devenus tout raides. Le poteau a fait un plan, il est tombé amoureux de son bourrel. Dédicace, Medi, YZ et à mon GP. Pour les bandeurs d'YZ et les voleurs de GP.